Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Et que, pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour autres mujeres? Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour à tous. Dans ce podcast, je voudrais faire la suite du podcast que j'ai fait sur la Palestine dernièrement et pour davantage parler de la course vers la guerre qu'il y a en Occident et notamment dans le discours du gouvernement français et d'Emmanuel Macron, d'une guerre militaire et sociale et donc de revenir un peu sur les liens entre la guerre et le fascisme et les difficultés de mobilisation qu'on a aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais revenir un peu sur quelques actualités géopolitiques, à commencer Gaza aussi. Pour avoir un peu une continuité avec des choses que j'ai pas dites, parce que j'ai dû sélectionner des informations aussi et que je suis passée à côté de certaines choses que j'aurais eu envie de vous partager et que d'autres choses se sont passées depuis. J'avais pas parlé non plus la dernière fois de la marche qui avait lieu depuis le Caire jusqu'à Gaza, donc qui avait des personnes, une marche internationale avec des personnes qui venaient de beaucoup de pays différents. Je me suis beaucoup focalisée sur les mobilisations qu'on pouvait faire depuis pays comme notamment les mobilisations et les actions que je connaissais en France, notamment en Hexagone. Mais du coup, il y a bien eu cette marche aussi qui a été bloquée par les autorités égyptiennes. Donc avec beaucoup de répression, etc. Et vous pouvez aussi aller suivre les comptes de Marche pour le Caire et qui relayent cette action massive de plusieurs jours et qui montre bien que les populations civiles ne restent pas inaudibles et inactives, sont profondément heurtées par ce qui se passe en Palestine de manière générale, pas qu'à Gaza, parce qu'on va y revenir, mais aussi en Cisjordanie et le sort des Palestiniens partout dans le monde. Compris de la diaspora qui est profondément impactée par le génocide, évidemment, puisque le fait même d'un génocide, c'est d'éradiquer tout un peuple, toute sa culture, toute sa même, c'est bien. Donc je pense que c'est quand même important de parler aussi de ces marches qu'il y a et de pas juste rester focalisé sur des actions très occidentales. Et parce qu'on peut, des personnes occidentales peuvent aussi participer à ces marches, donc ça demande de prendre l'avion, mais il y a pas mal d'actions aussi qui se font dans d'autres pays et quand on a cette possibilité, au-delà des flottilles dont j'avais parlé, qui se mettent en place suite à l'action d'une organisation particulière et de beaucoup, beaucoup de militants de la société civile. Je pense que c'est nécessaire de garder un œil sur tout ce qui se fait dans les pays frontaliers aussi. Et donc, bien sûr, on ne peut pas parler de Gaza aujourd'hui sans parler donc de l'annexion officielle qui a été annoncée de la Cisjordanie par Netanyahou, qui a été votée par le Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, où il y a des forces d'extrême droite qui ont beaucoup, beaucoup monté ces dernières années dans le sionisme israélien et aussi dans les représentations politiques, et qui met en cause du coup non seulement le gouvernement de Netanyahou, mais l'ensemble de la caste politique en fait israélienne. Alors je sais que beaucoup d'adelphes militantes, camarades, ont tendance à critiquer Israël en général, et on peut pas nier le fait qu'il y a un brainwashing et tout ça, mais je n'ai pas de statistiques de quel taux de population soutient ou non vraiment par conviction le gouvernement sioniste, parce que ça reste quand même un gouvernement aussi autoritaire vis-à-vis de sa propre population à plein d'égards et à plein d'endroits avec une propagande, enfin vraiment comme j'en ai un peu parlé, mais j'ai peut-être pas assez développé dans le premier podcast l'idée de la légitime défense, enfin le droit de se défendre d'Israël, c'est quelque chose qui est au cœur de la propagande sioniste depuis des années et des années pour justifier son colonialisme et l'apartheid et le génocide. Et c'est au cœur de ce qui est transmis en fait. J'en parle aussi parce que j'ai pu avoir suivre aussi tes cours sur la construction d'Israël et par des personnes qui étaient un professeur juif aux États-Unis notamment, mais qui étaient très critiques du sionisme aussi et du gouvernement sioniste, mais qui expliquaient en fait aussi comment s'implanter en fait dans la culture politique, mais donc aussi sociale en fait, la communauté juive et notamment israélienne. Et donc voilà, moi je pense que c'est difficile de mesurer quel degré vraiment la population soutient ces actes. Il y a forcément des gens qui soutiennent. Et parce qu'aussi la propagande israélienne, en fait, nous fait croire que c'est la bonne chose et que c'est massivement soutenu. Moi, j'ai pas d'accès, enfin, je connais personne en Israël, donc je pourrais pas parler de ça. Et que c'est aussi des discours qui sont très soutenus dans la diaspora, c'est vrai. Ils soutiennent quand même la politique israélienne ouvertement, c'est le discours dominant. Et il est important de rappeler que le sionisme, c'est un racisme, que c'est un colonialisme. Il y a peut-être eu des pensées de sionisme comme juste le fait que le peuple juif pouvait avoir voulait s'établir quelque part, et ça, enfin, ça aurait pu ne pas être un colonialisme. Mais le fait est que ce n'est pas ces voix qui ont jamais remporté quoi que ce soit dans la culture politique qui s'est instaurée, hégémonique, et que depuis des dizaines et dizaines et dizaines d'années, l'idéologie sioniste est un colonialisme. Ça, même avant, enfin, depuis sa diffusion, en fait. Je prends des précautions pour parler de ça parce que je ne suis pas une personne concernée et que je sais que parmi les personnes concernées et politiques, militantes, les discours peuvent être différents, les approches, donc j'essaie de partager sincèrement les échos que j'ai par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, la propagande est telle, s'il y a des lignes qui sont auprès d'entreprises, de gouvernements, etc., qui sont en lien avec Israël et auprès de beaucoup de médias aussi, donc ce n'est pas étonnant que ce soit une image qu'on a en fait dominante, mais on ne peut pas enlever non plus les résistances israéliennes qui sont très coûteuses pour les personnes israéliennes qui s'opposent au génocide. On peut penser notamment à des jeunes personnes qui ont brûlé leur convocation pour entrer dans l'armée israélienne, qui est quelque chose d'obligatoire avant d'être réformé. Le service militaire est obligatoire pour et sans distinction de genre, et qui ont brûlé publiquement leur convocation et ont manifesté pour s'opposer au génocide qui était fait prétendument au nom de leur nation par leur gouvernement. Et c'est des personnes qui, du coup, s'exposent à des mois et des mois et des mois de prison pour ça. Donc c'est pas rien non plus, et la pression est quand même... En tout cas, voilà, cette annexion de la Cisjordanie donc, a été officialisée par l'ensemble de la classe politique israélienne, très dominée par... l'extrême droite aussi, mais qui va jusqu'à des partis de gauche hein, aussi, fait écho aussi à des volontés affichées d'annexion et d'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Irak, du Liban, de la Syrie, pour ne laisser plus aucune terre au peuple palestinien. Donc ça fait écho avec ce que je disais sur, on ne parle pas ici de génocide qu'à Gaza, mais bien en Cisjordanie, où je rentre pas dans les détails, je vous renvoie vers tous les médias, comptes Instagram, etc., qui documentent ça, sur tous les massacres, les atrocités commises en Cisjordanie, dépossessions de terres, déplacements forcés, etc. Et du coup, avec l'idée aussi, enfin, qui du coup, l'hégémonie coloniale, le gouvernement israélien à vouloir supprimer toute terre où la diaspora, enfin, les personnes qui ont fui, pourraient même peuple palestinien pourrait se réfugier. Dernièrement, Israël a fait de nouvelles déclarations en revendiquant et en annonçant une occupation totale de Gaza comme un point culminant du génocide. Et je veux aussi joindre ma voix à celle de l'ensemble des militantes pro-palestiniennes qui dénoncent le fait de recourir à des phrases lisses comme quoi il s'agit de crise humanitaire et qui ne disent pas le mot de génocide et qui ainsi dépolitisent ce qui se passe à Gaza. Encore une fois, on en a parlé, les Gazaouis et les Palestiniens de manière générale ne trouvent pas la mort de manière accidentelle et fortuite. C'est une politique génocidaire, donc organisée par l'État israélien, qui est un État colonial d'apartheid. Dans les nouvelles aussi, bien sûr, en lien avec la Palestine et Gaza, il y a tout ce qui s'est passé autour du Amdala, qui doit son nom à un personnage graphique par un auteur palestinien. Et qui est le nom du nouveau bateau de la flottille de la liberté, qui visait donc à amener de l'aide humanitaire, médicaments, nourriture, jouets pour enfants, etc., aux Gazaouis, et pour essayer de passer outre le blocus imposé par Israël. Et déjà, il y a eu des tentatives de sabotage du Andala, donc à savoir que le Andala, pour reprendre l'exemple du Medline, pour essayer d'avoir une stratégie de publicisation, de communication sur son périple pour mobiliser la société civile et les alentours, les partis politiques et ainsi les représentants de politique pour qu'elle-même, par la diplomatie, etc., négocie le passage des flottilles auprès du gouvernement israélien jusqu'à Gaza. Bon, plus tout ça n'a pas trop autant fonctionné, puisque bon, déjà, il y a eu des tentatives de sabotage envers le Andala, que ce soit des sabotages vraiment de moteur. J'étais vu le matin même avant son départ, une corde qui n'y était pas là la veille, puis un camion d'approvisionnement de l'eau qui prétendait approvisionner le Andala, mais en fait, tout était contaminé. Bon, il y avait quelques personnes qui ont été blessées de l'équipage, mais la flottille a pu partir. Et après, il y a eu plusieurs alertes, parce qu'il y a eu beaucoup de drones. À un moment, on a perdu la fréquence du Andala. Puis, finalement, ils ont été, elles aussi, enlevées en eau internationale, comme le Madeleine, avec son équipage emprisonné dans les geôles israéliennes ensuite. Et malgré la pression de la société civile aussi auprès des représentantes politiques, très peu de paroles et d'actions des représentantes politiques. Dans les informations que j'ai épluchées aussi ces derniers jours, il y a les témoignages d'un psychiatre de MSF qui parle de l'effondrement psychique qu'il observe chez les Palestiniennes, y compris les enfants, et qui dépasse en fait même les grilles d'analyse psychiatrique qu'on a l'habitude d'avoir, vu les horreurs qui sont commises et dont elles sont témoins, avec une espèce de sidération face à l'horreur, une espèce d'accoutumance à l'horreur au quotidien. Et on voit globalement à l'international, représentantes politiques retourner un peu leur veste, commencer à adoucir leur discours, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, enfin dans plusieurs pays d'Europe. La Slovénie a été le premier pays à interdire le commerce d'armes avec Israël. La France a enfin annoncé vive Macron la reconnaissance de l'État palestinien en septembre. Donc il y a maintenant 15 États occidentaux qui ont reconnu l'État palestinien, il est temps. Et aussi on parle de génocide, et j'ai parlé dans le dernier podcast sur Gaza des responsabilités notamment d'armement aussi de la France, d'une complicité générale par son silence, à plein de niveaux. J'avais pas mentionné, j'avais pas vu à ce moment-là beaucoup d'infos là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de personnes françaises qui partent, qui sont dans les rangs de l'armée israélienne, donc il y a vraiment une complicité à plein de niveaux, et il y a des rapports qui sont sortis là-dessus. Je pense qu'on peut se renseigner aussi auprès de Mediapart, etc. Il y a beaucoup de... Et justement, il y a plusieurs avocats qui se montent ensemble pour aussi accuser justement plusieurs responsables français, dont Macron, Bayrou, etc., de complicité de génocide devant la Cour pénale internationale. Et ça, vous pouvez suivre aussi sur Blast, il y a une émission avec une avocate qui explique tout ça et les preuves qu'il y a. Et voilà, donc si le discours change aussi, c'est parce qu'ils ont commencé à avoir aussi un peu la justice au cul, et comme pour les nazis, comme pour tant d'autres dictateurs et génocidaires avant eux, faut qu'on tente, je sais pas que je crois en la justice internationale, mais je pense qu'à un moment, il faut que quand même les outils matériels qui existent nomme les choses aussi, et c'est très important, donc vous pouvez aussi suivre ça, c'est une action en justice historique, c'est la base en fait. Il va falloir qu'ils répondent de leurs actes, tous ces complices de génocide. Mais en même temps, on voit que la répression et le côté réactionnaire, même s'il est de plus en plus difficile de nier en fait l'évidence qui est reconnue par tellement de médias, d'organisations, etc., de témoins et tout, que c'est bien un génocide qui se passe, même si c'est annoncé de toute façon par les officiels. Il y a le fascisme ambiant qui vient en fait vouloir nuancer, il y a des propositions de loi pour venir encadrer l'usage du mot génocide, etc., donc on veut encore nous restreindre en fait dans notre liberté de dénoncer les choses, dans les libertés journalistiques, les libertés de militer, etc., qui sont nécessaires en fait, et d'avoir de dire les choses telles qu'elles sont, sans jamais qu'on revienne sur l'incohérence du discours israélien qui est frappant pourtant, avec une hypocrisie évidente. On continue de donner la parole aux représentantes diplomates israéliens, prétendent que personnes civiles sont en Iran, par exemple, les attaques étaient dommages collatéraux, enfin n'étaient pas ciblées, qu'ils ont empêché de faire certaines opérations pour ne pas faire de victimes civiles. Bon, pourquoi du coup, s'ils ont cette force de précision, ils font pas pareil à Gaza? Mais bon, de toute façon, ils ont bien annoncé qu'ils considéraient que tout le monde, mes enfants compris, étaient des terroristes et inhumains, voilà. Et de la même manière, ils prétendent officiellement, largement diffusé dans la presse française, qu'ils attendent la libération des otages israéliens pour pouvoir faire le cessez-le-feu arrêter de bombarder, alors que bah, c'est eux qui ont pu cesser le feu et qui bombardent écoles et hôpitaux et civils sans distinction. De rappeler qu'il y a des mobilisations à l'international qui continuent et qu'il faut continuer à les manifester. Il y a plein d'actions différentes en France. À Bordeaux, il y a des cercles de silence, il y a des manifestations bruyantes, il y a plein de choses. Genre, le cercle de silence, c'est le mercredi à Péperlan. Devant le tramway à 18h et le reste, les manifestations, c'est toujours le samedi à 15h à Victoire, pour celles qui y sont. Dans les actus locales, dernièrement, il y a des militantes à Bordeaux qui ont organisé une grève de la faim pour demander au maire la suppression définitive du jumelage avec HDOT. Donc c'est une grève d'un mois. Vous pouvez chercher également sur internet pour avoir plus d'informations là-dessus et la médiatisation de leur action. Et je voulais aussi recommander la lecture du petit bouquin qui se lit très vite sur féminisme palestinien de Nada Elia pour un féminisme de la libération et qui déconstruit bien la propagande israélienne, le pinkwashing, la difficulté de faire entendre les voix palestiniennes, les voix féministes racisées, colonisées de manière générale, mais notamment palestiniennes. Et pour le féminisme, laisser de côté la question de la Palestine comme étant une question, un angle forcément féministe, parce que les femmes sont toujours en première ligne en tant que victimes et en tant que résistantes, parce que la guerre est éminemment patriarcale. Fait le lien entre aussi ne pas mettre la focale juste sur les femmes et les enfants et considérer que c'est ok qu'il y ait des hommes civils qui soient victimes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans ce livre et en vrai, c'est pas une lecture complexe, je trouve. Donc voilà, je conseille vivement ce bouquin écrit par une militante palestinienne, autrice féministe palestinienne. Absolument nécessaire et il faut donner de la thune aussi. دمع العين لا حبيبة يا فلسطين يا وين العرب نايمين يا زينة البلدان قوامي ربي يحمي. Du coup, pour reboucler la boucle sur Gaza, je voulais aussi rajouter le compte Headstop Palestine, qui est un compte Instagram où il y a de l'info en continu quand on accède à la discussion collective, au DM, quoi, sur ce qui se passe à Gaza en continu, avec parfois aussi des sources de propositions, des indications de quoi faire aussi. Mais c'est beaucoup d'infos, surtout en temps et en heure. Donc c'est un compte très important que je voulais ajouter. Le premier que je suivais, mais en fait tellement noyé dans tous les autres que j'avais oublié de le noter. Alors je vous recommande aussi les contenus d'Abby Beach, en beaucoup position sur la Palestine. Dernièrement, elle a fait notamment aussi une vidéo pour expliquer en quoi la comparaison de la souffrance du génocide des Palestiniennes avec celle de la Shoah était et antisémite et arabophobe, et donc fondamentalement raciste et moralement inacceptable. Et encore une fois, on a besoin de recourir à la souffrance d'autres personnes, de médiatiser des images horribles, etc. Alors même que d'ailleurs les Palestiniennes sont nombreuses à avoir demandé l'arrêt de la diffusion de ces images. Il y a un problème aussi, prise de conscience et l'empathie en fait, juste humaine qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres êtres humains. Et ce manque d'empathie est bien évidemment profondément raciste. Et je voulais aussi rappeler, enfin, je parle du coup de fracture d'empathie par rapport à Gaza. Bon, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des féministes décoloniales aussi. Et par rapport à ça, on le voit aussi avec ce que mobilisent des pétitions comme la pétition contre la loi du plomb. C'est une pétition très importante par ailleurs, hein, vis-à-vis de l'Assemblée nationale, qui a mobilisé un nombre conséquent de personnes. Ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé. Avec les pétitions qui demandent la suspension des accords entre l'Union Européenne et Israël, par exemple, sont encore très peu soutenues. Donc je voulais parler de ça, bien sûr. Parler à quel point donc on voit vraiment deux poids, deux mesures. Et c'est aussi du racisme systémique, en fait, que de ne pas se pointer sur les événements politiques ou sur les pétitions touche à la question du colonialisme, du racisme, à la mort de gens, en fait, alors qu'on se révolte pour tellement moins que ça sur d'autres sujets. Et donc voilà, mais les Blancs ont toujours mieux à faire. On le voit notamment sur Bordeaux, la marche pour contre le racisme systémique au mois de mars. On n'avait encore qu'une vingtaine de personnes cette année. Et c'est toujours le club qui porte cette marche est très exposé aussi. Et n'a que très peu de support en fait. Alors qu'il dénonce les violences policières, donc moi j'étais au CLAP et on était directement ciblés en fait par les pouvoirs en place, notamment policiers. Et les lieux et les gens avaient peur aussi de faire des événements avec nous, quand même très parlant. Et je pense que c'est pareil pour tous les comités qui prennent la parole sur le racisme, le colonialisme, notamment en soutien de la Palestine. Il y a vraiment cette différence de traitement. Et ça, c'est le cas pour la Palestine, mais c'est presque encore plus le cas aussi pour le Soudan. On observe bien une fracture d'empathie vis-à-vis du génocide au Soudan, tout comme bien d'autres génocides qui ont lieu partout dans le monde, ou du génocide aussi en République démocratique du Congo, par manque d'information et de médiatisation. Les situations sont très différentes, puisque au Soudan, il y a une multiplicité d'acteurs. Une guerre entre deux armées qui renversaient le monde al-Bashir, qui sont en la guerre, mais qui sont alimentées par un ensemble de grandes puissances et organisations internationales, notamment occidentales, qui les arment, la Russie. Et bien sûr, il y a les Émirats Arabes Unis pour les forces de soutien à Rapid. Il y a eu plein, au cours des dernières années, d'accusations de génocide sur beaucoup d'actrices. Il y a une famine sans précédent avec des catastrophes climatiques aussi, enfin, beaucoup d'assèchement, désertification, etc. Et comme l'enjeu, c'est beaucoup les ressources, les cultures, les ressources naturelles, etc. Bah, que ce soit dans la région du Darfour, Soudan ou Soudan du Sud, il y a énormément de réfugiés, il y a une famine généralisée, c'est la plus grosse famine du monde. Et du coup, là, il y a certains comptes, organisations, médias parlent de génocide aussi armé par les Émirats Arabes Unis, les populations soudanaises. Pour très peu d'infos sur le Sud-Soudan, je partage ce que j'ai comme ressources dans mes stories à la une. Il y a quelques comptes un ami m'a donné dernièrement. Il y a Sound of Sudan, qui est une asso basée à Lille, qui recrute des bénévoles actuellement. Et il n'y a pas juste besoin de baser à Lille pour ça. Il y a également Sudan Update, je mettrai tout en description. Sudfa.media, qui ont aussi des infos urgentes et infos de la semaine. Restez connectés à ce qui s'y passe, dénoncer tous les génocides partout. Et Sudan Solidarity Collective aussi. Et vous pouvez également suivre le compte de Muwange Kuraifa. Ça s'écrit M-U-W-O-N-G-E. Plus loin, Q-U-O-R-A-I-F-A-H. Qui relaie la parole, sa parole et celle d'autres réfugiés LGBTQIA+, qui ont fui le Kenya. La répression et les violences sur les personnes LGBTQIA+, au Kenya. Et qui sont réfugiés donc au Sud-Soudan, dans le camp de Golom, et qui ont urgemment besoin de sous pour des soins et de la nourriture, sachant qu'il n'y a pas d'ONG ou quoi que ce soit, qui nous assure humanitaire, pour les soutenir directement. Donc il y a le lien de la cagnotte dans ma bio, à voir si vous êtes en contact avec lui. Il y a également la possibilité de transférer de la monnaie sans passer par les cagnottes, ce qui évite les frais de cagnotte. Il y a des équivalents de paiement mobile comme PayPal pour du transfert d'argent en monnaie kenyane notamment, avec l'application Tap Tap Send ou World Remit. Après, petite précision, moi ça a été plus compliqué de transférer l'argent car j'avais rentré mon prénom d'usage. Et en fait, il y a des vérifications d'identité, il faut l'état civil, donc notamment pour des prêts personnes trans par exemple, qui n'ont pas fait de changement à l'état civil. C'est une info que je donne parce que du coup mon transfert a été bloqué et mon compte est suspendu pour l'instant tant que je n'entame pas des démarches pour expliciter et débloquer la situation. Donc encore une fois, les génocides sont bien plus nombreux que ceux reconnus non seulement juridiquement mais aussi historiquement. Et je voulais recommander aussi en lien avec le climat de guerre, le fascisme, etc., le documentaire de Blast. Alors avec toutes les nuances que j'aime autour de Blast à certains endroits, et qui s'appelle « Pourquoi le fascisme est de retour » de Mussolini à Trump. Ça explique très bien, même si je trouve que ça reste très blanc. Enfin, ça fait les liens, par exemple, entre les géants de la tech et le fascisme. Et d'ailleurs, il y a un podcast des couilles sur la table aussi là-dessus. Mais enfin, plus sur les géants de la tech et la masculinité. Mais là, du coup, ça fait un lien avec les géants de la tech et le fascisme. Avec, par exemple, Elon Musk qui dans des familles blanches de l'apartheid en Afrique du Sud. Comment tout ça, en fait, l'idéologie emprunte au-delà d'un opportunisme, comme ça pouvait être dit dans le podcast aussi, le coup sur la table, là, on peut voir vraiment comment ça façonne, en fait. Enfin, c'est pas la base de la tech, vu que la tech est... La technologie, de manière générale, a été aussi inventée, notamment par des personnes minorisées, racisées, LGBT, des femmes, notamment des femmes noires, mais ensuite accaparées, et comment toute cette idéologie d'expansion, bah, ça va avec la croissance, etc. C'est un documentaire qui fait le lien aussi entre pourquoi le capitalisme, le néolibéralisme porte en lui le fascisme, et nos démocraties portent en elles les dispositifs du fascisme, avec par exemple l'article 16, etc., la 5ème République, elle porte en elle tous les dispositifs pour permettre un régime autoritaire de s'installer. Et c'est pour ça que la plupart des régimes fascistes arrivent au pouvoir par les urnes et par des vitrines démocratiques, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a des vitrines démocratiques, mais ça reste du fascisme, et ça explique quelles sont les différences entre le fascisme aujourd'hui et le fascisme, on va dire, originaire, enfin, qui a eu ces termes en premier lieu, quels sont les antécédents du fascisme, le lien avec le capitalisme, donc, le fait que le capitalisme lui-même est basé sur le colonialisme et le racisme, et que du coup, toutes nos sociétés capitalistes et les démocraties telles qu'on les a pensées qui sortent du capitalisme portent en elles le fascisme, et qui est un fascisme qui est suprémaciste blanc et qui est donc colonial et raciste. Ça, c'est, je trouve que ça se perd un peu dans le docu, mais par contre, on voit d'autres choses qui reviennent, les liens entre la nécessité d'un ennemi intérieur et extérieur, ce qu'on voit aujourd'hui partout avec l'islamophobie par exemple, et préparation à la guerre par Macron. Donc je parlais là de la France, mais on voit aussi avec l'exemple des États-Unis qui sont construits sur des génocides, puis sur la ségrégation. Donc la France, même la 5ème République, bah, s'est faite pile au moment des mouvements de décolonisation, des crimes contre l'humanité en Algérie. Donc il y a vraiment un continuum du fascisme et une course vers toujours l'homme meilleur qui alimente aussi le capitalisme. Et donc ça part des discussions aussi avec des personnes racisées militantes et des lectures, etc. Je me suis dit, mais ça manquait effectivement de cet angle-là, de bien insister aussi en fait, sur à quel point la suprématie blanche est peu pensée, alors qu'en fait c'est elle qui a conçu aussi les démocraties telles qu'elles. Et du coup, on a hérité de ça, mais c'est difficile aussi de penser des états démocratiques. Pour moi, je suis anarche, je sais que c'est une position qui peut être aussi blanche et occidentale à plein de niveaux. Mais parce que je sais que par rapport à tous les modèles, enfin pour moi l'autorité, elle a toujours mené l'oppression du coup en soi. Peu importe sur quelle base elle se sent justifiée, que ce soit de la coercition directe ou de la domination avec un assujettissement des gens qui se soumettent, qui acceptent en quête entre guillemets de la domination par charisme ou par autre, on pourra y revenir, par croyance. Et c'est difficile de sortir de ces imaginaires, mais que... c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas, par exemple dans nos mouvements anarchistes, s'opposer juste à des structures étatiques ou au capitalisme, etc., sans s'opposer à l'ensemble des oppressions systémiques, notamment le colonialisme, le racisme, qui n'est pas assez pris en compte dans les mouvements de gauche, même révolutionnaires, où il y a un gaslighting permanent, avec des injonctions aussi vis-à-vis notamment des personnes racisées, colonisées, à prendre part à des systèmes sur la base de démocratie, mais sans remise en question de la suprématie blanche, qui va exclure et se faire toujours sur le dos des personnes racisées aussi. Et en fait, ça pose des questions plus générales, je trouve, à l'heure actuelle, sur comment sont construites les nations et ce qui prétendent être démocratie, parce que ça voudrait dire pouvoir au peuple. Mais du coup, de quel peuple on parle, sur quelle base il est ciblé, souvent sur des trucs fictifs de racialisation, culturalisme, etc., toutes les formes de racisme. Qu'est-ce qu'un peuple? Mais en fait, c'est un peuple, c'est tellement de gens différents. Et comment tout un type d'individus peuvent décider pour tout le monde, comment ils pourraient se mettre d'accord, alors qu'on n'a plus de d'outils et de culture de... la discussion du consensus, voilà. Et surtout que c'est pas plus avec des populations aussi énormes, c'est très compliqué à avoir aussi. Et du coup, forcément, ça va être sur d'autres critères qui viennent être prédominants, qui viennent être enfermants d'un point de vue de l'identité. Alors que l'anarchie vient proposer que tout le monde ait un pouvoir sur soi-même sans entraver la liberté des autres, mais avec une volonté de s'organiser ensemble, de pousser à la discussion. Et ça repose toujours la dialectique entre l'individu et le collectif, qui est aussi une dimension très occidentale, donc je resitue aussi mon propos quand je fais de la propagande anarchiste, parce qu'on n'a pas toujours mis la même focale culturellement, géographiquement, etc., sur ce qu'est un individu et l'importance, je sais pas, d'individualité par rapport au collectif. Qu'en Occident, l'individualisme, aussi, sur la base du néolibéralisme, a aussi beaucoup triomphé suite à l'échec des mouvements de masse, notamment du communisme, par exemple, où l'individu a été noyé dans la masse. Et donc, il y a aussi un rejet de ça. En discutant avec mon partenaire Anaïs, qui a une formation en histoire, m'a vraiment permis de mieux le comprendre aussi. Et donc là aussi, c'est une autre opposition peut-être au communisme, au-delà d'un état provisoire qui tient peu la route, car ça reproduit du pouvoir et les mêmes outils autoritaires. La question de décider pour des masses. Et les mouvements de masse eux-mêmes reproduisent des postures totalisantes. Ce que rejette l'individualisme. Et en fait, cette dialectique individu-collective, je pense que moi, ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de me plonger un peu plus dans des approches décoloniales aussi pour dépasser ça et voir comment je l'articule avec ma vision anarchiste aussi, qui est jusque-là ma réponse à cette dialectique. Donc voilà, donc il est nécessaire d'abolir tous les systèmes de domination, pas juste les formes qu'il a prises, c'est-à-dire l'État. Et on n'arrive toujours pas à voir ce systémisme, comment ça se manifeste dans notre sensible. Et je crois que Gaza, c'est aussi ça. On ne voit pas sur l'échelle du continuum du fascisme, etc., et de l'horreur vers lequel ça mène, tous ces individualismes, tous ces purs avec les émotions, etc., bah, ça mène à, pour ceux qui ont le pouvoir, d'aller jusqu'à ces violences, et pour nous, genre, de laisser faire et d'en être témoin et de ne pas arriver à se mobiliser par rapport à ça. Et donc pour ça, on en revient à me dire qu'on revient à des pratiques quotidiennes vis-à-vis de ce qui nous entoure, et c'est d'en comprendre dans notre quotidien les ressorts, la compréhension, remettre en place des systèmes d'entraide. Mais ça, il faut se sentir en sécurité avec les gens qui nous entourent. Donc il faut recréer des moments où on peut être vulnérable, mais dans une forme de repos. Donc on fera lien avec la sieste collective plus tard, du care collectif, mais aussi qui donne confiance. Et en fait, il y a tellement de dissensions qui ne sont pas réglées entre nous, à gauche, et aussi dans le milieu queer. Ça pose problème. Parce que chaque situation est aussi complexe. On le sait selon les parcours des personnes, et c'est par le sensible, la communication verbale, mais aussi apprendre à sortir de l'explicite, d'affiner nos connexions aux autres, qu'on apprend à comprendre les autres et du coup à comprendre d'autres strates aussi de ce qui se joue chez les individus. Et c'est pour ça qu'il faut aussi sortir des cloisonnements psycho, philo, sociaux et tout mettre ensemble. Et qu'en fait, en connectant mieux aux gens qui nous entourent, on va aussi ensuite pouvoir se connecter plus loin, etc. Mais en même temps, bon, bah, y a aussi des urgences de mobilisation là à l'heure actuelle, donc c'est deux temporalités à articuler ensemble qui sont compliquées. Plutôt que de calquer des grands principes en mode genre juste dire des grands titres d'oppression systémique mais sans savoir de quoi on parle dans le sensible, quand on essaye de décrire des situations ou quand on, au final, c'est là aussi où on tombe souvent dans des puretés militantes. Et voilà, et tout ça, ça revient justement aussi, ça fait aussi lien avec. Et j'y reviens toujours à la justice communautaire, mais du coup aussi à appréhender les conflits sans que cela soit des tribunaux et des déchargements. Et coucou les professionnels du social. Et si on apprend à avoir des conflits, on apprend aussi à sortir de triggers de trauma, etc. Mais c'est très compliqué à faire. Et du coup, il faut capter la différence des espaces et des temporalités pour articuler aussi nos besoins différents, faire bouger les priorités, bien sûr qu'on est au-delà d'une égalité pure. On doit naviguer des individualités profondément différentes. Et là, je suis revenue à de l'intime, à du local. Et à... quand je parle de ça, en fait, si c'est pas clair, je parle vraiment de situation de se poser la question de qu'est-ce qui se joue dans nos rapports humains et dans nos incompréhensions, y compris militantes à gauche ou dans nos groupes affinitaires de gauche, queer, etc. Parce que bah, c'est avec ces personnes-là qu'on, normalement, on a le plus de liens et qu'on devrait faire le plus de trucs, mais on sait pas vraiment rencontrer au-delà de ce qu'on a en commun parce qu'on subit des choses. Donc... et on s'enferme aussi dans des formes d'identité, donc cette discussion notamment avec mon amie AZ, j'essaie de citer les gens avec qui j'ai des conversations pour aussi être comme des pôles de ça. Et donc je pense que c'est très important de déguiser notre sensible, pas juste pour surintellectualiser, mais juste être au contact des gens, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se joue, et bien sûr qu'après ça nous permet d'être plus en sécurité, de faire du cas et d'avoir plus d'énergie et de pouvoir avoir une approche ensuite de résistance, de rébellion, de désobéissance, d'opposition, de contestation, voire d'insurrection et de révolution. Je vais finir donc sur l'escalade belliciste de Macron. Je vous invite à aller voir aussi les posts de contre-attaque sur Insta, donc un média indépendant, anti-autoritaire, qui a fait un post par rapport à la dernière allocution de Macron le 13 juillet, sachant qu'en même temps, il y a eu l'allocution du Premier ministre Bayrou, du coup qui est un discours en manifestant une guerre militaire autant que sociale, puisque Macron s'est occupé du côté très militaire, donc très belliciste et clairement de plus en plus sacrificiel. Il a quand même appelé au sacrifice ultime pour la jeunesse. Bien sûr, le gouvernement va profiter comme d'hab de la pause estivale pour infuser ses discours, tout ça, prévoir tout un tas de réformes à nous balancer pendant l'été ou à la rentrée, et pour nous mettre au pied du mur par 49-3 encore. Et du coup, la seule possibilité, c'est éventuellement une censure du gouvernement, ce qui n'est pas encore certain que ça advienne. ni que ça change vraiment grand-chose à la longue. Mais du coup, là, il appelle à plus d'armes, il veut doubler le budget des armées en 2027, bien sûr, augmenter considérablement donc les armes, les keufs, les prisons, tout en délivrant de nouveaux cadeaux aux entreprises, parce que, comme dit Bayrou, il faut épargner leur compétitivité, et toujours rester dans cette logique donc, de croissance mortifère. Toute cette thune va directement dans les poches des actionnaires, sans créer jamais d'emploi ni d'investissement pour l'intérêt général, on va dire. Les priorités du gouvernement, c'est tout ce qui est cyber, activité et intelligence artificielle, qui sous des vitrines civiles, en fait, participent énormément de la guerre aussi, de l'industrie de guerre, et sinon plus généralement d'une robotisation de la société, tout en étant dans cette logique de croissance et hyper, donc extractivisme, et toujours aller taper dans les ressources premières encore et encore. Et comme le montrait l'allocution de Bayrou, donc, qui était parallèle à celle de Macron, cette thune pour financer l'effort de guerre, on vient la chercher bien sûr auprès des services publics, donc avec une ponction de 900 millions d'euros supplémentaires dans des services publics qui sont déjà laminés, pour un plan d'austérité de 44 milliards d'euros. Et donc parmi toutes les mesures de ces super plans de minage des services publics au profit de l'armée, par exemple, un fonctionnaire sur trois qui va partir à la retraite ne va pas être remplacé. Il y a des coupes dans les thunes des hôpitaux qui sont déjà dans un état lamentable, tout comme le médico-social, donc des coupes dans les hôpitaux de 5 milliards d'euros. Et ils vont jusqu'à attaquer les personnes sous affection longue durée, qui souvent sont des personnes, par exemple, extrêmement malades du cancer, parce que les ALD, ça touche aussi, par exemple, des personnes trans, personnes très vulnérables. Et également, la thune va être aussi récupérée en enlevant plein de remboursements de la Sécu sur des médicaments. Donc on s'attaque vraiment directement à la santé des personnes vulnérables. Et d'une manière générale, au-delà de l'hôpital, dans le tapage sur le service public et sur nos thunes et sur le social en fait. Le gouvernement a annoncé une année blanche en 2026 où il n'y aura pas de hausse des prestations sociales, mais par contre, comme l'inflation continue, ça revient à baisser en fait les aides, en tout cas la thune des gens, le pouvoir d'achat, on le nomme comme on veut. Alors que l'INSEE vient déjà de montrer qu'on a battu un taux de record de pauvreté depuis 50 ans. Ouais, et tout en voulant geler les aides en 2026, Bayrou annonce aussi vouloir re-entamer des négociations autour du chômage, donc pour envisager bien sûr une nouvelle baisse. Donc tout ça revient à toujours plus d'exploitation et de précarisation des forces de travail, donc des travailleuses. Dans les dernières mesures d'ailleurs de ce gouvernement né avant la honte, il y a aussi toujours dans l'idée d'exploiter les forces de travail jusqu'au bout, l'idée de supprimer des jours fériés, notamment le lundi de Pâques, sous prétexte que c'est pas vraiment religieux, enfin, qu'est-ce qu'on s'en contre, car le cul, de toute façon, c'est les premiers à se revendiquer laïque, mais on ne sent rien du tout. Mais du coup, l'idée, c'est juste de niquer un jour de repos de plus aux travailleurs. Et même le 8 mai, qui est quand même le jour de la commémoration de la chute du nazisme, donc c'est quand même assez cynique. Enfin, vu les mesures fascistes, en fait, de l'État français, du gouvernement français. Et surtout, enfin, on sait que ça sert à rien, que c'est juste pour la mettre à l'envers. Chirac, en 2003, avait déjà tenté de supprimer des jours fériés, soi-disant, pour la solidarité avec les personnes âgées. Personne, et surtout pas les personnes âgées, en ont vu la couleur. Et ça n'a jamais eu d'effet, juste dans les poches du patronat et de l'actionnariat que ça. En parallèle de ça, Bayrou donc, veut mettre aussi à contribution l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, qui toucheront moins de thunes, ce qui sera donc moins de thunes pour les associations, tout ce qui est lié à la culture et les services publics municipaux, notamment l'école directement, donc voilà, la santé, la culture, l'associatif, du social, l'éducation aussi va en prendre pour 100 grades. Donc tout ça, ça va être voté dans le budget, de même que Macron, ses discours belliciste, il parle donc de sacrifice, il a dit qu'il se prononcerait à l'automne sur le service militaire. Donc là, ça nécessite vraiment une mobilisation populaire massive dès maintenant, voire au moins à la rentrée, quand il y aura le vote du budget et toutes ces nouvelles réformes, mais c'est toujours compliqué, enfin, c'est toujours des moments où on est très fatigué, isolé, en vacances, etc. pour les privilégiés et chanceux à ce moment-là. Et on voit bien l'instrumentalisation du coup de la notion de sécurité qui détourne la notion de liberté, comme si la liberté c'était donc du confort en fait, enfin, que la liberté c'était juste de la survie, et enfin, c'était d'être puissant. Et là je voudrais mettre la focale sur le discours de Macron qui incarne à cet endroit-là vraiment une figure du patriarcat hégémonique, d'une masculinité totalement débridée en prônant la loi du plus fort, où pour lui du coup, pour la sécurité, pour la survie, il faut être craint et donc être puissant, ce sont ses mots. Et donc c'est un nouveau changement de doctrine en termes de relations internationales, mais aussi de philosophie, de pensée. Enfin, c'est vraiment l'homme est un loup pour l'homme de Hobbes. Genre c'est À partir du principe que les êtres humains sont mauvais et qu'on va tous, sont tous là pour se niquer la gueule et que seule liberté, c'est d'aller chercher une utilité particulière. Enfin, on voit vraiment le paroxysme complètement meurtrier du néolibéralisme dans lequel on est depuis les années 70-80 et qui du coup pousse l'individualisme jusqu'au bout, l'idée de l'homo economicus qui doit aller que pour son utilité et qui dévoie totalement la question de la liberté. Voilà, on sait pas, on peut pas savoir là ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle dissolution, est-ce que Macron va officialiser l'alliance avec le RN parce que déjà il leur sert tout, toute la sauce qu'elle demande, ou est-ce que nous on va partir en insurrection. Mais ça semble aussi compliqué. Moi, à titre personnel, je me sens assez démunie par rapport à tout ça, parce qu'à la fois, je luttais contre le militarisme, organiser des liens de solidarité, mais c'est à quel point c'est compliqué. Plus de réflexes d'autogestion, on est tellement divisé dans nos milieux militants, queer, etc. C'est très compliqué de créer des liens, de mettre en place des actions concrètes. Et alors, ne serait-ce que même de la solidarité pour ne plus être dépendant tout un tas de services publics dont on va plus bénéficier, ou en tout cas de moins en moins. Enfin, c'est-à-dire que voilà, le danger est tellement massif et on voit bien comment tout est lié en fait. C'est pour ça aussi que là, les répressions sociales, les pertes sociales qu'on a nous, sont directement liées à tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et c'est pour ça qu'on ne sera pas libre tant que tout le monde ne l'est pas. C'est pas juste une question de dignité humaine, c'est une question même matérielle, enfin de répercussions. Tout est interconnecté, ne serait-ce que par le réchauffement climatique. On n'a même plus des infos météorologiques venues des États-Unis. Et on voit que les inondations, les incendies et toutes les catastrophes climatiques frappent d'abord les populations les plus vulnérables, d'abord colonisées et prolo et Andy. Et donc là, par se mobiliser, mais bien sûr, bah, on est épuisé, on ne sait pas comment être sur tous les fronts. C'est des choses, des questions qui nous dépassent aussi. Le discours guerrier, il nous fait peur. On a envie de le contrer, mais en même temps, si ça arrive, enfin, il y a hors de question que je fasse mon service militaire, mais comment en fait on va résister à tout ça? Et on manque en fait de réelles discussions collectives là-dessus. Et je voudrais terminer du coup en partageant un podcast qui n'est pas directement lié, mais du coup qui fait le lien avec ce que je dis, que j'ai écouté dernièrement, qui est un podcast d'émotion sur le média, sur la fatigue, qui montre à quel point la fatigue est politique, et qui réfléchit du coup à comment on en arrive à une société d'intensité, depuis bah, le néolibéralisme, notamment l'accélération de cette forme de capitalisme des années 70-80, cette intensification de cité de consommation, etc., et d'interconnexion et de saturation des flux avec une ribambelle, avec la publicité, les médias, les réseaux sociaux, etc., de diffusion d'injonctions contradictoires qui participent à remonter le terrain propice aux addictions, mais aussi, je pense, à tout un tas de troubles psy et y compris neurodéveloppementaux qui participent à... Et on peut même parler d'addiction de manière générale à une forme d'intensité, en fait, qui peut être compensé par des substances, etc. Mais on a tous dans ces schémas où on nous vend des infinités de possibles, alors que matériellement, on n'en a ni les capacités matérielles, ni souvent psychologiques, émotionnelles, cognitives. Donc il y a cette friction entre dans ces infinités possibles vendues, et surtout bah, du coup notre épuisement, du coup une incapacité de savoir vers quoi se tourner, et qui viennent se greffer sur des problèmes déjà existentiels, de peur de l'échec, de quoi faire de sa vie, de quoi transmettre, de quoi laisser. Et qui peut juste mener, du coup, quand la situation est telle, la friction est telle, l'intensité est telle, et les injonctions contradictoires sont à une telle proportion que bah, ça nous sidère, et soit on fait plus rien, soit on s'en remet, on en vient à penser qu'on désire une forme d'autorité, enfin à se re-retourner vers l'autorité, et ce qui favorise justement les mouvements autoritaires et fascistes auxquels on assiste. Et le podcast parlait à quel point voilà, cette intensité et recherche de productivité, on l'avait tellement intériorisée qu'elle se répercutait sur l'ensemble des domaines de notre vie, y compris l'amour, dans la recherche de la pluralité ou maximisation des relations, que montre Eva Illouz aussi, ou à l'inverse justement le fait de se restructurer sur une forme de norme, à en subir toutes les violences. Et donc ça, c'est très intéressant en fait, de venir questionner genre à quel point tout ça est politique, tout ça est contextuel aussi. Alors que le néolibéralisme vend justement la liberté, c'est l'inverse de l'anarchisme et de la liberté que nous on veut, parce que c'est une liberté qui n'est pensée que comme usage, comme utilité, comme maximisation de profit, qui ne respecte pas ce qu'on veut.